fait, ça mute ce que j'ai. Ça mute ce que vous faites, mais pas ce que moi je fais. D'accord. La blonde. Ok. Donc tout ce que je. Ouais, je pensais qu'en cochant juste le truc, ça m'évitait de. J'ai dit, tiens, j'ai trouvé un nouveau truc. Eh ben non, c'est raté. Mais c'est bon, hein, c'est bon, hein, t'en pas. Hein. Bon, eh bien. Ah merde, je suis con, je vous ai carrément muté. Un shampoing. T'as entendu la chanson là du rappeur là, la grosse. J'aime bien sauter sur ton ventre et faire du trampoline. Il chante des trucs comme ça. Ça c'est section d'assaut. Enfin, je suis pas sûre, mais. J'aime bien tes grosses, j'aime bien tes bourrelets. Oh putain. Ouais. Ça fait pareil sur toi en fait maintenant. cours.